Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Salut. Chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique et qui est venu aussi accompagner aujourd'hui de Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Qui est en stage aujourd'hui, quelques mois en tout cas, à la Fédération et qui va assister à cette émission et qui pourra prendre la parole. Bien sûr, il aura tout à fait le droit. D'autant plus qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Alors, on parle beaucoup de techniques, on parle beaucoup de poissons, on parle beaucoup de choses très, très concrètes. On va partir un peu dans d'autres sphères parce qu'aujourd'hui, François, vous avez choisi de nous faire le lien entre la pêche et la poésie. En tout cas, ce que peut nous inspirer ce rapport à la pêche et à la nature. Exactement, j'ai l'habitude un peu de dire que tous les pêcheurs sont des poètes, même s'ils le savent pas eux-mêmes. Pourquoi on dit ça? Parce que l'activité pêche, c'est déjà dans un premier temps de la curiosité de son environnement. Alors ça, c'est de la curiosité technique, mais de la curiosité aussi de l'environnement et de la biodiversité, de la nature. Oui, c'est de l'observation, et tous les pêcheurs ont l'habitude forcément d'être dehors, d'être dans la nature, au bord de l'eau. C'est ça la pêche, c'est être dans la nature. Et quand on est dans la nature, on a forcément un petit côté émerveillé, observateur, contemplatif de son environnement. Et en fait, la poésie, c'est ce que je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est pas que écrire des poèmes, Victor Hugo et compagnie, avec des strophes, des vers, ça nous rappelle les cours de français, alors qu'ils ne sont pas forcément des mauvais souvenirs, pour moi en tout cas. Mais c'est pas que ça, c'est aussi un état d'esprit, en fait, une conscience, un petit peu. D'autant plus que François, on va le dire tout de suite, a écrit un petit recueil de poésie qui s'appelle « Accord sauvage ». Donc tu ouvres ce livre avec une citation de Sylvain Tesson. « Il y a dans la capacité d'émerveillement l'un des secrets de l'énergie vitale ». Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi avoir choisi cette citation? Oui, alors déjà j'adore Tesson parce que je trouve que ses livres sont extraordinaires et merveilleux. Alors c'est pas forcément un poète dans le sens classique du terme parce que j'ai pas la connaissance qu'il ait écrit des recueils de poésie. Par contre, il en parle souvent dans ses bouquins et notamment sur les poètes classiques un petit peu allemands, Wanderer, là, ceux qui battaient la campagne avec une miche de pain, un bout de fromage et puis qui écrivaient des poésies. Le nez au vent, quand on s'émerveille et quand on arrive à ouvrir son œil, mais aussi ses oreilles, sa peau, il y a tous les sens du toucher. C'est les cinq sens. C'est vraiment le ressenti et la conscience de son environnement et l'appréciation en fait du moment présent. Un peu j'ai un jeu de mots qui me vient. Tu vois le carpe diem là. Tu vois, tu vois le carpe diem, on vit au jour le jour. Ouais. Voilà, etc. Bah carpe, ça n'a rien à voir avec la carpe. Hein. Non, mais le jeu de mots est là. Déjà parlé. Mais le jeu de mots est là. Mais oui, quand tu sais t'émerveiller, quand tu sais observer, tu peux voir de la beauté un petit peu partout et à la pêche notamment. Parce qu'il y a ce temps d'attente, il y a là beaucoup d'attente dans la pêche, on n'y reste pas que 10 minutes, il y a vraiment le temps d'observer, de prendre conscience de ce qui nous entoure, des odeurs, enfin voilà, de tous les sens qui sont mis en exergue. Ouais, c'est l'environnement qui infuse un petit peu dans ton corps et dans ton esprit, donc c'est aussi un état d'esprit, mais c'est aussi un état physique aussi de bien-être, donc, et tout ça produit aussi, si on s'élève un petit peu, qu'on conscientise aussi un petit peu ça. On est déjà un poète par rapport à ça, le pêcheur est déjà un poète. On a parlé alors de la pêche à la mouche, c'est en ce moment en plus, le mois de mai, la mouche de mai, etc. On a fait déjà une chronique sur la pêche à la mouche, donc cette super belle technique là, avec les belles arabesques. Là, j'ai écrit d'ailleurs un petit... On pourra l'écouter après. Poème là-dessus, mais voilà, donc c'est des dispositions un petit peu psychologiques, mentales... Les pêcheurs recherchent aussi à habiter le monde poétiquement. C'est un vers célèbre d'un poète allemand qui s'appelle Friedrich Hölderlin. Et je trouve que c'est une belle expression. Dans ton cas, par rapport à la poésie, est-ce que c'est la pêche qui t'a amené à la poésie ou c'était déjà présent avant? C'est la pêche qui m'a amené à être dehors et à contempler la nature en général, au-delà des poissons et du matos. Et après, j'adore aussi faire de la randonnée ou aller observer les animaux sauvages. Donc c'est aussi ça que j'écris dans les poésies. Mais c'est grâce à la pêche, parce que en fait, la pêche, t'as aussi cette dimension, on en a déjà un petit peu parlé, mais t'as aussi cette dimension un petit peu de mystère avec le fait que tu vas aller chercher des animaux sauvages qui habitent sous la surface, donc que tu, généralement, que tu ne vois c'est pas ton élément naturel, que tu ne connais pas, et il y a ce côté mélange de mystère, parce que tu connais pas le monde subaquatique, et d'espoir, parce que du coup, ton objectif, c'est d'aller voir ça, mais à travers une technique et du matériel, c'est la pêche à la ligne. Et à partir de là, voilà, tu es déjà dans un espèce d'état de curiosité et d'appréciation de ton environnement par rapport à ça. C'est assez complexe, hein. à verbaliser, à conscientiser. Hein. Moi, j'ai mis quand même aussi des années à expliquer ça, ou à me l'expliquer à moi-même, oui. Et à être là devant un micro pour en parler. Mais... Voilà, aujourd'hui, c'est un livre, donc Accord sauvage, par François Rouillon. Tu nous as évoqué un poème autour de la pêche à la mouche, c'est une pratique que tu apprécies particulièrement, en plus. Ouais, c'est Est-ce ça. Que tu veux nous partager ce poème ? Ouais, on peut lire. Hein. Alors, pêche à la mouche. Regardez onduler les arabesques fluides qui dansent dans la lumière à l'amont des nageoires. Ces courbes de la ligne s'arrachant au liquide, brumisent de poussière d'or cette ambiance d'espoir. Écoutez le chuintement de la soie qui fend l'air, cette gestuelle divine du pêcheur virtuose, enfant émerveillé qui joue dans la rivière, magie des sentiments, tous les sens en osmose. Sentez les courants mous qui s'appuient et s'enroulent, ces graviers millénaires qui glissent sous les pas, la bonne eau de la terre qui lentement s'écoule, et au sein de laquelle se joue vie et trépas. Voyez cet homme serein qui médite en silence, attentif à l'oiseau tout autant qu'au poisson, rêve et concentration, agréable alternance qui forge lentement sa puissante passion. Humez cette terre humide, ces effluves de rivière, la moiteur fraîche des rives enroulée de douceur, cet air si délicieux qui infuse les prières des pêcheurs matinaux, solitaires, jouisseurs. Touchez les plumes sèches de l'artificielle mouche qui se pose doucement, plus légère qu'un pétale, à la surface de l'onde en attendant la touche d'une belle truite sauvage perçant l'eau de cristal. Pensez que dans ces gorges au fond de la vallée se jouent des bonheurs purs, sauvages et artistiques. Soyez sûr et certain, formel, persuadé, que la pêche à la mouche est la plus poétique. Et après ce poème, on va regarder « Et au milieu coule une rivière » avec Brad Pitt. Exactement. on va prendre son matériel et on va s'inscrire à l'initiation que je propose. Ah, on va revenir à des choses encore plus concrètes. Donc, effectivement, oui, tu proposes une initiation à la pêche à la mouche. À la pêche à la mouche, ça se passe à Martincourt dans la petite Suisse Lorraine. C'est le 24 mai de 17h à 20h. Et donc on prête le matériel, on fournit la carte de pêche. Et la bonne humeur. Ça va permettre à des enfants, des jeunes, à n'importe qui, de pouvoir ressentir un peu, peut-être retrouver ce que tu peux passer dans ce poème au niveau des textures, des sons. Ouais, exactement. Ouais, parce qu'on va apprendre, donc du coup, de manière un petit peu plus terre à terre, effectivement. Bien sûr, techniquement, bien sûr. On va apprendre le lancer, c'est justement ces arabesques, ce lancer fouetté de pêche à la mouche. On va aborder les notions, justement, de vie et de mort des insectes aquatiques que les poissons, justement, que les truites gobent ou mangent sous l'eau. Et puis, on va essayer de découvrir un petit peu tout ça. Donc, le 24 mai, il me reste juste une place. Ça coûte 20€. Les inscriptions sont obligatoires et à faire sur www.pêche-54.fr. Voilà, il reste une place, donc on en profite très vite. Oui. Il y aura peut-être d'autres initiations plus tard, quand même. Oui, alors le samedi 3 juin, oui. On fait un truc sympa, c'est qu'on va, je dis on parce que j'aurai un collègue avec moi, en partenariat avec la Maison de la Forêt de Saint-Sauveur, c'est dans le Lunévillois, derrière Ciré-sur-Vezouze, là. Justement, sur la Vezouze, on va apprendre à pêcher les écrevisses. On a déjà fait des chroniques sur les écrevisses, enfin une chronique. En deux mots, hein, c'est des écrevisses qui sont invasives, les écrevisses américaines. Donc on va apprendre à les pêcher, c'est très bon, hein, donc on n'a pas le droit de les remettre vivantes dans l'eau, donc on partagera aussi des petites recettes de cuisine. Alors on cuisinera pas sur place, mais on arrivera avec ça, et puis les gens pourront repartir aussi avec leurs écrevisses pour les cuisiner chez eux, ça va être sympa. D'accord. Pour rester un peu sur l'actu, il y a aussi un gros événement qui va se passer à Toul. Tout à fait, c'est les championnats du monde de pêche sportive au cou. Donc la pêche au cou, on en a parlé, c'est la pêche, alors j'allais dire toute simple, juste avec une canne, une ligne. Sauf que là, c'est les championnats du monde, il faut vraiment aller voir ça. Les gars sont suréquipés, il y a tous les meilleurs pêcheurs du monde, hein, c'est les championnats du monde. 24 pays, 250 compétiteurs, une énorme orga. Donc c'est organisé par la Fédération française de pêche sportive, hein, la Fédération aussi internationale de pêche sportive. Ouais. Mais un énorme boulot de l'APPMA Pêche et Nature du Toulois qui accueille l'événement et de la ville de Toul. Donc ça se passe vendredi 26 et samedi 27 mai. Vous avez les renseignements sur le site de la Fédé ou sur le site de la Fédération française de pêche sportive et sur le site même aussi de la ville de Toul. Parfait. Et on rappelle donc, François, on avait parlé poésie aujourd'hui. Hein. C'est un livre qui s'appelle donc Accord sauvage, poésie de plein air. Si on a envie de lire d'autres poésies extraites de ce livre, comment on peut faire ? Eh bien, c'est une bonne question. On peut appeler Fadjet et je laisse quelques exemplaires à Fadjet, si vous voulez. Ou alors, on m'appelle, on se met les coordonnées. Et puis, D'accord. Et puis, y a pas de problème. On contacte François à la Fédé. En stock. Il y en a un qui s'appelle Truite Fario aussi, on aura l'occasion peut-être. Eh oui, on avait fait une émission sur la Truite Fario. Ouais, hein, et d'ailleurs, on avait fait aussi une émission sur la littérature halieutique. Exactement. Qu'on invite les auditeurs à aller écouter. Oui. Il y avait quelques propositions de livres aussi. Tout à fait. Et on pourrait refaire d'ailleurs une chronique là-dessus, parce qu'on est loin d'avoir tout balayé en termes de littérature halieutique. Donc, c'est une idée. Peut-être, à l'approche de l'été, c'est peut-être ça. Avoir un petit livre sous le coude pour l'été. Pourquoi pas, hein. Et allez, on fait ça. Merci Lucas, merci François. Merci Yves, à bientôt. Merci, à bientôt. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.